Chapitre 8e. Douce surprise. Tandis que Valentin prenait congé de son maître, Guillaume quittait l'abbaye de Saint-Victor et se rendait chez le viguier. Comme il était reçu familièrement par de Glandevesse, et que le service du palais était interrompu par les embarras du siège, le jeune homme pénétra seul jusqu'à l'appartement particulier du gouverneur. Il trouva vide le fauteuil qu'occupait ordinairement de Glandevesse. Améliane, assise dans l'embrasure d'une fenêtre, faillit pousser un cri de surprise et de joie à son approche. Elle se leva, confuse et troublée, pour le recevoir. Le gentilhomme n'avait point espéré rencontrer si tôt la jeune fille. En l'apercevant, un nuage voila ses yeux, et il sentit ses jambes fléchir. Améliane, plus agitée que les feuilles jaunies de l'automne au souffle du vent du soir, se remit pourtant la première. « Messire, comme vous étiez attendu, mon père sera bien joyeux de votre retour. »« Mon absence a donc été remarquée ?» dit Guillaume, ravi. « Oui, monseigneur. Est-ce qu'au moment du danger ne comptent pas les amis vaillants qui peuvent nous défendre ?»« Alors que tant d'illustres guerriers vous entourent, madame, que pourrait mon bras pour vous protéger ? D'ailleurs, le malheur qui s'attache à mes pas ne rendra-t-il point mes efforts inutiles ?» Améliane arrêta ses regards sur ce gentilhomme si jeune, si beau, et qu'elle n'avait jamais vu sourire qu'au travers des larmes. « Vous avez donc bien souffert, messire ? » dit-elle. « Hélas, madame, je n'ai connu de la vie que les peines qui la rendent amère. La ville de Marseille, surtout, m'est fatale. Aussi je prévois et j'espère que je mourrai bientôt devant ses murs. « Pourquoi voulez-vous mourir, monseigneur ? » murmura la jeune fille tremblante. « Parce que j'aime sans espoir, » s'écria Guillaume. « Oh, ne vous offensez pas de mon amour. J'avais juré de l'ensevelir dans mon cœur et d'emporter mon secret dans la tombe. Je vous ai rencontré sur mes pas. J'ai vu votre beau regard qui semblait me plaindre abaissé sur moi. Alors, madame, j'ai dit que ce serait la félicité suprême. Si, connaissant jusqu'au fond de mon âme, vous donniez quelques larmes à ma mémoire quand je ne serai plus. Maintenant, je vous en supplie. Qu'un mot de pardon s'échappe de vos lèvres et je vous quitte pour jamais. » Bouleversée de bonheur et de crainte, Améliane ne trouvait point de parole. Le gentilhomme anéanti s'apprêtait à sortir. Alors une exclamation profonde comme les abîmes du cœur s'exhala du sein de la jeune fille. « Guillaume, ne partez point !» Le chevalier revint sur ses pas. « Ai-je bien entendu, madame, est-ce vous qui m'ordonnez de revenir ?»« Oui. N'avez-vous pas dit que vous vouliez mourir ?» Le rayon d'espoir qui avait illuminé le front du jeune homme s'éclipsa. « Merci, madame, de la pitié que vous me témoignez. Mais elle ne me sauvera pas. Pour vivre, il me fallait votre amour. » « Et si je vous aimais ?» murmura doucement Améliane. « Oh, madame !» s'écria le gentilhomme suppliant. « Ne m'abusez pas. » La jeune fille comprit que, d'un mot, elle allait, ou relever cette existence flétrie et si chère, comme un rayon de soleil relève la fleur qui languit sur sa tige, ou la briser à jamais, comme le vent du nord brise les tendres bourgeons. Troublée, incertaine, elle s'arrêta. Pendant quelques secondes qui parurent des siècles, Guillaume attendit, immobile. « Messire, dit enfin Améliane, à la face du ciel qui m'entend, je vous jure que je vous aime. » Le chevalier vint tomber sans voix aux genoux de la jeune fille. Améliane, oppressée, laissa sa tête, comme un beau lit s'incliner, s'appuyer défaillante sur le front de Guillaume. Tout à coup la porte s'ouvre, et debout sur le seuil, l'air imposant et le regard sévère, apparaît le père Anselme. À cette vue, le souvenir du cloître surgit dans l'esprit d'Améliane. Elle jette un cri de terreur. Le gentilhomme se relève d'un bond. Le vénérable religieux s'avance lentement. La sévérité de son regard disparaît devant l'émotion indicible qu'éprouve son cœur paternel. « Oh, Guillaume ! » fit-il d'un ton de reproche. « Mon père, » interrompit le jeune homme, « ne me condamnez point. Si vous n'avez pas lu jusqu'au fond de mon âme, c'est que je craignais d'y descendre moi-même. Je vous avais gardé près de moi pour vous préserver d'un abîme, et vous courez imprudemment vous y jeter. Quand je suis aimé, mon amour peut-il m'être fatal ? Oui, car fiancée par le viguier de Marseille au libérateur de la cité, la dame de Glandevesse ne peut plus disposer de son cœur. La pâleur couvre le front d'Améliane, tandis qu'un frisson d'effroi agite le gentilhomme. Le nom de Charles de Mantoue vient mourir sur ses lèvres. C'était lui qui jusqu'alors avait acquis le plus de renommée. « Fiancé donc à Charles de Mantoue ? » demande-t-il avec un courroux concentré. « Non pas au sire de Mantoue, répond le religieux, mais à celui qui par ses exploits sauvera Marseille. Antoine de Glandès l'a juré. Alors la main de Dame de Glandès m'appartient, s'écrie Guillaume, heureux de sa noble espérance, et conduisant la jeune fille au pied du prieur. Mon père, dit-il en s'agenouillant, bénissez-nous. Marseille ne sera sauvée que par moi. Son assurance passe dans l'âme du prieur, d'abord étonné, hésitant, puis attendri. Il lève les mains sur eux. « Que le ciel vous protège » murmure-t-il. Le gentilhomme se relève, il porte à ses lèvres la main frémissante d'Améliane, s'incline en silence devant le père Anselme, s'élance vers la porte et disparaît. Quand il sortit du palais du gouverneur, un homme revêtu d'une livrée suivait ses traces.